Mon boulot, c'est de gratter la terre, comme je gratte ma guitare, si je pouvais faire taire ceux qui se tiennent au bar. Mon boulot, c'est l'horticulture, c'est la culture d'ortie, j'en ai les mains qui me fourmillent, si j'avais su quelle aventure. Mon boulot, c'est en dessus des sous, c'est pour gagner des sous, c'est de tondre le gazon à la sueur de mon front. Mon boulot, c'est de rajeunir les arbustes, leur badigeonner le buste de ceux dont la croissance est arrêtée par malchance. Mon boulot, c'est de dans les vergers, les arbres élagués, d'incliner les branches maîtresses dans un jardin tout en détresse. Mon boulot, c'est de faire grimper du lierre sur une façade avenue Molière, c'est de repiquer des boutures puis de glisser la facture. Mon boulot, c'est d'intimider le tomatier, de le faire rougir comme une pivoine et de cueillir de la calidoine pour soigner mes coraux-pieds. Mon boulot, c'est l'or dans les mains, c'est d'or et déjà, c'est le tas d'ordures qui sera l'organique de demain. Mon boulot, c'est de descendre le caleçon, de faire pipi sur le gazon, j'ai conseillé les engrais chimiques, mais bien la culture biologique. Mon boulot, c'est de faire enraciner, puis de déraciner, c'est de couper en morceaux les arbres dont le boulot. Mon boulot, tu n'es pas le chêne, tu n'es pas le roseau, tu n'es pas marronnier, on ne peut le nier, tu n'es pas le pommier, sinon je ferais le poirier, tu n'es pas le tremble, même si j'en tremble. Mon boulot, tu n'es non plus le charme, encore moins le peuplier, même si un peuplier, tu te portes comme un charme. Mon boulot, je t'ai scié en morceaux, quel boulot idiot. Mon boulot, je t'ai pleuré des seaux, comme un seau. Mon boulot, je t'en ai regreffé les morceaux pour m'en faire un radeau. Et j'ai pris la clé des champs, la clé de fa, la clé de ma maison. J'ai quitté le champ de blé, j'ai quitté ma chanson pour prendre le chant des vagues assis sur ton dos.